Qua, qua. Entre toi et moi, depuis 2 ans déjà, on ne compte plus les mois. De l'amour et ça nous va. Seul l'amour persiste. Seul l'amour existe. Entre toi et moi, ma femme, Christiane. Grâce à toi, j'ai retrouvé le joli goût des pâtes. J'ai retrouvé la joie, le sourire. Et le joli goût des pâtes. Seul l'amour persiste. Seul l'amour existe. Entre toi et moi, ma femme, Christiane. Je rêve de toi, Christiane. Je n'aime que toi, Christiane. Je rêve de toi, Christiane. Je n'aime que toi, Christiane. Seul l'amour persiste. Seul l'amour existe. Entre toi et moi, ma femme, Christiane.